avec X, Patrick Pénaud. Ce sont les Roms de l'Asie, les Rohingyas, des victimes perpétuelles considérées dans le pays où ils vivent, la Birmanie, comme des sous-hommes dont on ne prononce pas même le nom. À tel point que depuis 1982, ces parias n'ont même plus de nationalité. Ce sont donc aujourd'hui des étrangers dans leur propre pays, expulsables, corvéables à merci, et bien sûr des proies toutes désignées, pour les Birmans les plus extrémistes ou racistes qui peuvent les maltraiter et même les tuer dans une quasi-impunité, et quelquefois avec le concours de l'armée. Cette situation est d'autant plus scandaleuse qu'on l'observe dans un pays dont on pouvait penser qu'après avoir connu une longue dictature militaire, il évoluait vers un rétablissement progressif de la démocratie. Rappelons que la Birmanie, aujourd'hui rebaptisée Myanmar, est la patrie d'Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix et figure de la résistance à la junte militaire qui dirigeait le pays d'une main de fer. Or, il faut malheureusement constater que la dame, comme on l'appelle là-bas, n'a guère semblé s'émouvoir du sort qui est fait aux Rohingyas. Nous allons voir pourquoi avec M. X. Autre question troublante. Les Rohingyas, de confession musulmane, sont victimes d'exactions exercées par des mouvements bouddhistes, c'est-à-dire par des fidèles d'une religion associée à la non-violence. En attendant le récit de M. X, une citation qui montre à quel point les Rohingyas sont l'objet d'un véritable rejet. Voici par exemple ce que déclarait le consul général de Birmanie à Hong Kong. Les Rohingyas ne sont ni un peuple du Myanmar, ni un groupe ethnique du Myanmar. Vous verrez sur les photos que leur teint est brun foncé. Ils sont aussi laids que les ogres. Le teint du peuple birman est juste et doux. Prenez mon teint typique, celui d'un vrai gentilhomme du Myanmar. Trust in me. Pour nombre de Birmans, les Rohingyas ne sont que des calards, un mot péjoratif qu'on pourrait traduire par bougnoule. Quant aux autorités, elles ne parlent que de Bengali, signifiant ainsi que les Rohingyas sont des étrangers. Et donc originaires du Bangladesh voisin. C'est ça, oui. Et la vérité alors ? Les Rohingyas sont sans doute originaires du Bengale, mais ils sont nés en Birmanie il y a très longtemps. Certains historiens estiment que dès le 7e siècle de notre ère, les premiers sont arrivés. Puis, à partir du 16e siècle, ils sont venus par vagues successives en provenance du sous-continent indien. Un mouvement qui s'est accéléré au 19e siècle, car le colonisateur britannique avait besoin de main-d'œuvre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Rohingyas peuvent légitimement se considérer comme des citoyens birmans. Une observation d'abord. La Birmanie est une mosaïque d'ethnies. Officiellement, on en recense 135. Ah oui. Mais officiellement, ça veut dire quoi ? Bah, que ces ethnies sont reconnues par les autorités. Ah oui, alors que les Rohingyas, eux, ne le sont pas. Ou plutôt, ne le sont plus. Aujourd'hui, ce sont des apatrides. Enfin ça, je vais y revenir. Un pays qui compte 135 ethnies n'est pas facilement gouvernable, même si la principale, celle des Bamars, qui se considèrent comme les seuls véritables Birmans, est la plus nombreuse. Et détient d'ailleurs le pouvoir depuis l'indépendance. Oui, mais il y a eu plusieurs conflits ethniques. Hein, et tous ne sont pas résolus, oui. Nous avons parlé autrefois des Karen. Mais il n'y a pas qu'eux. Alors les Rohingyas, ils se sont installés dans l'état d'Arakan, au sud-ouest du pays. Un territoire qui leur a été donné par le premier ministre Unu en 1961. Mais alors malgré tout, ils sont toujours vus comme des étrangers. À cause de leur physique, au teint foncé et de leur langue apparentée à un dialecte bangladais. Ils sont donc victimes d'une hostilité fondée sur le racisme. Et l'islamophobie. Car les bouddhistes, qui sont ultra majoritaires en Birmanie, leur reprochent d'abord d'être musulmans. Pour comprendre, il faut aussi tenir compte de la particularité de l'état où ils vivent ou survivent. Les habitants de l'Arakan, qui représentent à peu près 3 à 4% de la population birmane, forment une ethnie très indépendantiste par rapport au pouvoir central. D'une certaine façon, ce sont des fondamentalistes, parce qu'ils considèrent que leur état est le berceau du bouddhisme en Birmanie. Ouais. Alors c'est une raison supplémentaire pour nourrir leur hostilité vis-à-vis des Rohingyas qui vivent chez eux. Naturellement. Et les persécutions commises par ces intégristes du bouddhisme ne se comptent plus. Et combien sont les Rohingyas là en Birmanie ? Leur nombre est estimé à moins de 2 millions, un chiffre qui inclut ceux qui sont en exil au Bangladesh, en Thaïlande et en Malaisie. Et même en Australie. Le rêve pour beaucoup d'entre eux. Car c'est là qu'ils sont le mieux traités. Mais il y en a aussi beaucoup en Arabie Saoudite, où, tout comme les Philippins qui y travaillent, ils vivent en quasi-esclaves. Alors, sans remonter trop loin, voyons comment a évolué la situation des Rohingyas en Birmanie. La première vraie fracture avec l'ethnie majoritaire a eu lieu durant la Seconde Guerre mondiale. Et la Birmanie étant encore une colonie britannique. Mais qui va être envahie par l'armée japonaise. Comme la plupart des musulmans de Birmanie, les Rohingyas ont choisi de rester proches de la Grande-Bretagne. Alors qu'au contraire, nombre de Birmans bouddhistes se rallient aux Japonais. Et ce sera le cas du père d'Aung San Suu Kyi. Hein. Le général Aung San, héros de l'indépendance birmane, mais qui s'est allié en tant que commandant de l'armée birmane aux Japonais. Et c'est justement pendant la Seconde Guerre mondiale qu'on a assisté au premier pogrom contre les Rohingyas. En 1942, exactement. Et pogrom conduit par qui Par la population birmane de l'Arakan, avec le concours de l'armée indépendante de Birmanie, qui se trouve alors sous le commandement du général Ne Win, le futur dictateur en chef qui s'emparera du pouvoir en 1962. En 1942, donc, 100 000 Rohingyas sont tués, et 50 000 d'entre eux fuient au Bengale indien, qui est encore sous la férule de la Grande-Bretagne. Il faut ajouter que des centaines de villages ont alors été détruits. Alors que se passe-t-il quand vient l'indépendance ? En 1948. Auparavant, il y a une période très troublée, et pour ne parler que de l'état d'Arakan, on observe des révoltes de la population locale. Oui, ça ne peut pas être favorable aux Rohingyas qui, pendant la guerre, se sont rangés aux côtés du pouvoir colonial. Et par conséquent, contre les indépendantistes. Il n'empêche qu'à partir des années 50, le gouvernement de Rangoon envoie des signaux plutôt apaisants en direction des Rohingyas. Et comment ça se traduit, ça ? Deux gouvernements, celui de Unu en 1954 et celui de U Baswi en 1959, donnent les premiers signes d'une reconnaissance du peuple Rohingya, et d'autres ethnies d'ailleurs. Ça signifie que désormais les Rohingyas, considérés comme faisant partie d'une ethnie reconnue, prennent part à toutes les activités nationales. Et en 1961, UNU, de retour au pouvoir, va même encore plus loin. Il prône la création d'un territoire Rohingya. Ce dont vous avez parlé, là, une terre située dans l'état de Rakhine. Au nord, oui, à la frontière du Bangladesh actuel. Ouais, qui n'était encore que le Pakistan oriental. Tout à fait. Et ce territoire Rohingya était directement rattaché au gouvernement central et ne dépendait pas du sud bouddhiste de l'État. Les Rohingyas ont alors connu une courte période de liberté, un an tout juste. Un an, oui. Et que s'est-il passé ensuite, alors ? Le coup d'État militaire mené en mars 1962 par le général Ne Win. Des généraux qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a été allié avec les Japonais et qui ensuite combattu pour l'indépendance. Oui, comme le père d'Aung San Suu Kyi, donc. Et parenthèse, qu'est devenu ce dernier ? Il a été assassiné par un rival en 1947, je crois. Quoi qu'il en soit, ce général Ne Win, un sino-birman, met aussitôt fin à cette politique favorable aux Rohingyas. Ce qu'il veut, lui, c'est birmaniser le pays. Ah oui, birmaniser. Donc mettre au pas toutes ces ethnies plus ou moins batailleuses. Exactement. Et ce général emploie la manière forte. L'armée est chargée d'opérations de nettoyage au cours desquelles on procède à des exécutions sommaires, des confiscations de terres et des viols. Les villages des Rohingyas sont brûlés et détruits, leurs mosquées sont démantelées et les hommes sont arrêtés, parfois contraints à exercer des travaux forcés. Cependant, on donne à ces opérations d'une grande brutalité un habillage poétique ou mythologique. Ah bon, par exemple ? Davantage de pureté, millions de succès, fleurs de jasmin, ou encore pour la plus terrible entre 1978 et 1979, dragon roi. Résultat, 250 000 Rohingyas sont poussés vers l'exil. On assiste donc au sens propre à une véritable purification ethnique. Hein. Exactement. Et le clou, si j'ose dire, c'est en 1982, l'adoption d'une loi qui fait officiellement des Rohingyas des apatrides. Donc non seulement ils ne sont plus reconnus comme appartenant à une minorité ethnique, mais ils ne disposent même plus de papiers d'identité. Ils sont par conséquent encore plus vulnérables. Bien entendu. Et les humiliations sont incessantes. Ils ne possèdent plus aucun droit, puisque ce ne sont plus des citoyens. Les autorités peuvent donc limiter leurs déplacements, leur refuser le droit de se marier et même la possibilité de scolariser leurs enfants. Ce qui explique que beaucoup de Rohingyas sont analphabètes. Enfin, les milices bouddhistes qui les persécutent se livrent à des enlèvements, des descentes punitives quand elles ne les obligent pas à exécuter les travaux forcés. Et c'est-il de se défendre ? Ils ont créé une association de solidarité qui a été active dans les camps d'exilés, surtout au Bangladesh. Mais cette organisation a été aussitôt sévèrement réprimée par le pouvoir. D'autre part, il faut observer qu'à la différence des autres ethnies de Birmanie, qui sont en conflit avec les autorités, les Rohingyas ne disposent pas d'une force armée susceptible de les protéger et de résister à l'oppression. Rendez-vous avec X. Les documents sur les Rohingyas sont rares. C'est pourquoi ce livre est précieux. « Nous, les innommables, un tabou birman ». L'auteur, Habibou Rahman, raconte avec émotion la vie quotidienne des siens. Extrait. « Négresse, ton mari !» Maman, toujours courbée en signe de respect et de soumission, me décroche de son longhi et me presse. « Habib, va vite chercher ton père. » Je ne perds pas une seconde. Je dévale dans l'arrière-cour où papa est occupé à tisser une corde de rotin. Papa est le chef de l'armée. Il bondit et se précipite à la maison. Les officiers qui ne s'encombrent pas de formules de politesse. « Bougnoul, ta maison est située sur un terrain utile à l'État. Nos régiments ont besoin de toilettes supplémentaires. Nous allons procéder à la destruction de ta hutte. » pour développer les infrastructures nécessaires au maintien de la sécurité et de la paix dans le pays. Papa blêmit. Sauf votre respect, monsieur, il s'agit de notre lieu de vie. Nous avons acquis cette terre en toute légalité. Le village nous a donné l'autorisation de bâtir. Le capitaine tourne les talons. L'ordre a été donné, je n'y reviendrai pas. Toi et ta famille occupez ce terrain illégalement. Comme si cela était encore possible, les Rohingyas ont connu le summum de l'horreur à la fin de l'année 1991. Et à leur habitude, les militaires ont affublé leurs méfaits d'un très joli nom, en l'occurrence « Belle Nation Immaculée ». Et de quoi s'est-il agi, hein ? Le pouvoir, c'est-à-dire l'armée, a décidé d'édifier de nouveaux villages modèles, les Natala, mais pas n'importe où, sur les terres confisquées aux Rohingyas. Et comme si ce n'était pas suffisant, ces derniers ont été obligés de nettoyer ces terres où les nouveaux colons allaient s'installer. Des colons qui, eux, bien sûr, étaient des bouddhistes et appartenaient à des ethnies jugées pures. Et parfois, on leur a attribué d'autorité des domestiques. Ouais, des Rohingyas. Naturellement. Ouais. Des hommes ou des femmes qui devenaient donc des sortes d'esclaves sur les terres qu'on leur avait volées. Ces injustices ont décidé de nouveaux Rohingyas à s'exiler. Des dizaines de milliers qui ont franchi les frontières marécageuses en direction du Bangladesh. Mais pour la première fois, cet exode a été relativement médiatisé. Mais pourquoi cette fois, hein ? Parce que le HCR, le Haut Comité pour les réfugiés, s'en est mêlé. Le HCR, il faut le rappeler, c'est une agence de l'ONU. En effet. Ouais. Et cette intervention a été efficace ? Non. Car non seulement les agents du HCR ont avoué leur impuissance, mais ils ont exhorté les réfugiés à retourner chez eux. Chez leur bourreau, donc. Tout en leur promettant que tout se passerait bien. Ouais. Ce qu'ils ne pouvaient garantir, non ? Bien entendu. Mais cette intervention a eu pour seul résultat de décider les autorités de Rangoon à tout faire pour empêcher un nouvel exode massif. Oui, qui éveillerait à nouveau la curiosité de la communauté internationale. Voilà. Le pouvoir birman a donc parqué les Rohingyas dans des camps-prisons situés au nord de l'état d'Arkhan. Ouais. Pour les isoler et les contrôler, c'est une politique d'apartheid. Absolument. Hein. Dans ces zones, les Rohingyas sont coupés de tout. Du commerce, des communications et bien sûr de l'accès à l'éducation et aux soins. Pour mener à bien cet apartheid, les militaires ont créé une force spéciale, la Nasaka. Une redoutable armée de paramilitaires chargée de réprimer la population, d'interdire l'exil et de favoriser le travail forcé. Les hommes peuvent être réquisitionnés pour une journée, plusieurs semaines et même parfois quelques mois. En même temps, la discrimination religieuse s'accroît. Comment alors ? Je ne vous donnerai qu'un exemple, aussi stupide que scandaleux. Les militaires ont détruit la majestueuse mosquée de Mbroku, construite en 1433 par un chef musulman, Sandy Khan, qui, je n'invente rien, était venu porter main forte à l'intronisation du roi de cette ville. Un bouddhiste, donc. C'est vous montrer toute l'absurdité de cette répression aveugle. Tout aussi absurde après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Pour mieux stigmatiser les Rohingyas, on les a accusés d'accointance avec Al-Qaïda. Un prétexte. Forcément. Alors poursuivons. En 2006, le HCR intervient à nouveau. 230 000 Rohingyas, réfugiés au Bangladesh, où ils vivaient misérablement, sont incités à retourner chez eux. Donc en Birmanie. Au Myanmar, comme on dit maintenant. Le HCR donne un peu d'argent à ces familles, mais dès qu'elles ont passé la frontière, elles sont abandonnées à leur triste sort. En tout cas, cette initiative met en évidence la détresse de tous ces Rohingyas qui ont choisi l'exil, et qui ne sont guère les bienvenus dans les pays où ils se réfugient. Au Bangladesh, c'est certain, à cause de la pauvreté endémique du pays. Mais c'est aussi vrai chez le voisin du Sud. Mais la Thaïlande. Oui, au début 2009, on a découvert que l'armée thaï avait conçu un programme secret pour se débarrasser des Rohingyas qui essayaient de migrer vers la Thaïlande ou l'Indonésie sur des bateaux de fortune. Des boat people, donc. Eh bien, selon ce plan secret, l'armée thaï devait repousser les bateaux vers la pleine mer et les y abandonner. Ouais, c'est-à-dire pratiquement condamné à une mort certaine, ces boat people. Évidemment. Alors maintenant, voyons les effets de la libéralisation progressive du régime sur le sort des Rohingyas. C'est en 2008 que l'armée desserre un peu son étreinte. Oui, après la révolte des bonzes de 2007 et la répression qui avait ému le monde entier. Je résume rapidement. En 2008, une nouvelle constitution est adoptée par référendum. Ça ressemble à une avancée. Mais les militaires ont prévu de nombreux garde-fous. Un article leur réserve un quart des sièges des deux chambres du Parlement. Un autre, écrit sur mesure, a pour objectif d'exclure Aung San Suu Kyi d'une candidature à la présidence au prétexte qu'elle a été mariée à un étranger et que ses enfants ne sont donc pas birmans. Ouais. Et en 2011, hein, la junte s'autodissout. Et elle est remplacée par un gouvernement civil présidé par Thein Sein, un homme qu'on présente comme le Gorbatchev birman, en s'efforçant d'oublier qu'il a officié au sein de la junte pendant presque un demi-siècle. Il n'empêche que c'est un petit pas vers la démocratie, mais une démocratie disciplinée, selon les mots mêmes des nouveaux dirigeants. Curieuse expression, hein. Ou oxymore, comme vous voudrez. Alors, revenons à notre sujet. Il faut malheureusement constater que la fin du régime militaire a coïncidé avec un déchaînement de la haine anti-musulmane. Oui, dont les Rohingyas ont été les premières victimes. Mais pas seulement eux, hein. Toutes les communautés musulmanes, y compris celles qui sont le mieux intégrées, ont été touchées. Et vous avez une explication ? La Birmanie est un pays très divisé. Mais la dictature de l'armée avait fait en sorte d'étouffer ces fractures. Mais elles existaient toujours. Et elles se sont réveillées dès que le pouvoir militaire a lâché du lest. Et concrètement alors, que s'est-il passé ? Orchestré par une élite bouddhiste qui s'est radicalisée, on observe de véritables campagnes de nettoyage ethnique. Ouais, au fond, comme celle qui était le fait de l'armée. Et j'y viens tout de suite. Mais cette similitude permet de se demander dans quelle mesure le nouveau pouvoir n'instrumentalise pas ces opérations racistes. Car il faut se demander comment la haine se propage dans le peuple. Je vous écoute. Il existe une intense propagande dans les milieux bouddhistes. Elle est essentiellement téléguidée sur les réseaux sociaux. Des blogs prétendument indépendants, mais qui, selon les observateurs des droits de l'homme sur le terrain, pourraient bien être suscités par les canaux de propagande de l'État. Enfin, ça, j'y reviendrai. Alors, vous me demandiez ce qu'on constate concrètement sur le terrain. Entre juin et octobre 2012, on assiste à une première vague d'attaques anti-musulmanes dans l'État de l'Arakan. Contre les Rohingyas, donc. Le bilan est lourd. Près de 80 morts et plus de 90 000 réfugiés intérieurs. À noter que l'armée birmane a été soupçonnée d'avoir donné un coup de main aux extrémistes bouddhistes. Et comment ça a commencé alors ? Le 28 mai 2012, une jeune birmane bouddhiste a été violée et tuée. Aussitôt, la rumeur s'est répandue. Les coupables ne pouvaient être que des Rohingyas. Et sans attendre, une foule de bouddhistes a attaqué un bus bondé de musulmans. 10 d'entre eux ont été lynchés à mort. Pour se venger, les Rohingyas ont mis à sac des villages bouddhistes avant d'être eux-mêmes attaqués et chassés de leurs terres. Et a-t-on identifié le ou les assassins de la jeune femme là ? Deux Rohingyas, ou plutôt des musulmans bangladais, comme la presse birmane les a présentés, ont été accusés et rapidement condamnés à mort. Mais cet épisode n'a nullement mis fin à la violence. En octobre de la même année, dans le village de Tantay, 70 Rohingyas ont été tués, dont 28 enfants assassinés à la hache. Conséquence, le président a imposé l'état d'urgence et le couvre-feu dans les zones troublées. Et en même temps, il a rétabli la censure pour toute information sur les émeutes interconfessionnelles. Ouais, mais ce n'est pas en dissimulant les informations qu'on règle un problème. Bien entendu. La preuve, c'est que ça a continué. En novembre, de nouvelles émeutes dans plusieurs municipalités de l'Arakan ont provoqué au moins 180 morts et une centaine de milliers de déplacés. La capitale, située à majorité bouddhiste, était encore récemment peuplée de 40% de Rohingyas. Mais la plupart ont aujourd'hui fui la ville, à l'exception de quelques milliers d'entre eux qui vivent en plein centre-ville, dans un vrai ghetto entouré de fils de fer barbelés, dont les issues sont gardées par la police et l'armée. Un ghetto dont ils n'ont pas le droit de sortir. Ils sont donc en prison, chez eux. C'est exactement ça. Alors devant une succession d'événements aussi scandaleux, il est légitime de se demander quelle a été la réaction d'Aung San Suu Kyi qui a incarné la résistance contre le régime de fer des militaires birmans. Vous avez raison, mais il faut d'abord vous dire que son silence a étonné et même déçu. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Sous le titre ironique « Tout ce que vous pouvez faire, c'est prier », l'organisation internationale Human Rights Watch a publié un rapport en 2013 sur les crimes contre l'humanité et le nettoyage ethnique visant les musulmans, Rohingyas, dans l'état birman d'Arakan. Le rôle joué par le gouvernement birman et par les autorités locales dans le déplacement forcé de plus de 125 000 Rohingyas et membres d'autres communautés musulmanes est précisément décrit. Puis on lit ceci. Des responsables birmans, des chefs de communautés et des moines bouddhistes ont mobilisé des membres de l'ethnie rakhanaise et les ont encouragés à mener, avec l'appui des forces de sécurité birmanes, des attaques coordonnées contre des quartiers et des villages musulmans en octobre 2012 afin de terroriser la population et de la déplacer de force. Des dizaines de milliers de personnes déplacées se sont vues refuser l'accès à l'aide humanitaire et sont dans l'incapacité de regagner leur logis. Le gouvernement birman s'est livré à une campagne de nettoyage ethnique contre les Rohingyas qui se poursuit à ce jour à travers le refus de l'accès à l'aide humanitaire et l'imposition de restrictions à leur liberté de circulation. Le gouvernement devrait mettre fin immédiatement à ces exactions et faire rendre des comptes à leurs auteurs s'il veut éviter de porter lui-même la responsabilité de futures violences contre des minorités ethniques et religieuses dans ce pays. Aung San Suu Kyi a certes qualifié d'énorme tragédie internationale les violences, mais elle a aussi appelé à un contrôle accru de la frontière avec le Bangladesh. Ah, et ça pouvait accréditer l'idée que les Rohingyas étaient des étrangers, des Bangladais. Effectivement. Et en visite en Inde, elle n'a pas souhaité s'exprimer au nom des Rohingyas, afin, a-t-elle dit, de promouvoir la réconciliation après les violences. En fait, vous l'avez compris, le prix Nobel de la paix est extrêmement embarrassé. Quand on lui demande, les Rohingyas doivent-ils être considérés comme des Birmans, elle répond qu'elle ne sait pas. Quant aux autres dissidents libérés par la junte, ils expliquent tranquillement qu'il faut interner ces immigrés dans des camps. Ouais, c'est quand même bien gênant, hein. Et la dame, comme on l'appelle en Birmanie, n'a pas non plus souhaité donner son opinion sur la loi de 1982 qui a rendu apatrides les Rohingyas. Et comment expliquer cette attitude négative ? C'est très simple. Aung San Suu Kyi a déclaré que le problème ethnique ne pourrait pas être résolu par la constitution actuellement en vigueur. Et c'est un aveu. Et pourquoi ? Parce qu'elle a elle-même besoin de changements dans la constitution pour pouvoir se présenter à la présidence. Donc, pour réaliser cet objectif, elle fait profil bas et caresse même les militaires dans le sens du poil. D'abord en faisant silence sur les persécutions subies par les Rohingyas, puis en soutenant un projet de mine de cuivre très polluant conçu par les militaires. Enfin, en osant participer à côté de ses anciens geôliers à la fête de l'armée à laquelle elle a témoigné son affection selon ses propres termes. Alors les Rohingyas, eux, sont donc passés par profits et pertes. C'est ce que je crois. Hein. Et son quasi-silence est à comparer avec le discours qu'a prononcé Obama lors de sa visite en Birmanie en novembre 2012. Il n'a pas eu peur, lui, de provoquer un véritable scandale en osant prononcer le nom des Rohingyas et en défendant leur cause. Et aujourd'hui, alors, où en est-on ? À cause du confinement systématique qui leur est imposé, la situation sanitaire des Rohingyas ne cesse de se détériorer. Tous les jours, de nombreuses personnes malades, femmes et enfants, meurent de faim, de manque de soins médicaux et d'abris. Quant aux destructions, elles continuent. Environ 16 000 maisons, 47 mosquées, 70 villages musulmans ont été complètement dévastés. En outre, les attaques se poursuivent. Et elles ne concernent plus seulement les Rohingyas, mais toutes les communautés musulmanes. Ouais, attaques menées par les bouddhistes. Hein. Avec très souvent la complicité, sinon la participation directe de l'armée. Il faut d'ailleurs noter que le mode opératoire est à peu près toujours le même. D'abord, on voit apparaître des vidéos hostiles sur les réseaux sociaux. Puis, quelques bons intégristes prononcent des prêches radicaux. Et enfin, des émeutiers sont amenés en camion pour casser, incendier et chasser les habitants. Alors, qui sont ces moines bouddhistes qui exacerbent la haine de la population et fomentent ces émeutes anti-musulmanes ? Une observation d'abord. L'ouverture du régime à la fin des années 2000 a libéré un racisme latent qui irrigue toute la société birmane. Il est notamment véhiculé par un clergé bouddhiste qui est l'un des plus fondamentalistes et nationalistes d'Asie. En outre, la majorité Bamar, qui représente presque 70% de la population et détient les clés de l'appareil militaro-politique, à une conception raciale de la nation. Pour ces vrais Birmans, comme ils se considèrent, la citoyenneté se confond avec la religion. Mais être birman, c'est donc être bouddhiste. Ah, tout à fait. D'autre part, il existe en Birmanie un long passé d'émeutes raciales. Non seulement avec les musulmans, mais aussi avec les Indiens et les Chinois. Alors, vous me demandiez qui étaient ces moines fanatiques. Ben, il existe depuis 1997 un mouvement fondamentaliste qui se nomme 969. Ah, 969, pourquoi ce nom-là ? Ben, ce chiffre fait référence aux 9 attributs de Bouddha, aux 6 attributs de son enseignement et aux 9 attributs de la communauté des moines appelée Sangha. Les bouddhistes sont invités à faire figurer ce 969 sur la porte de leur maison et la devanture de leur commerce. Ce mouvement a eu tendance à se radicaliser au fil des années. Désormais, il appelle les bouddhistes à boycotter les autres religions, à protéger le bouddhisme de l'islam, à rompre les liens commerciaux et à empêcher les mariages mixtes. Bref, à cesser toute relation sociale avec les musulmans. Ah ben ça correspond au fond à la birmanisation, la mise en œuvre par la junte. C'est exact. Mais le mouvement 969 est allé encore plus loin. Au début de 2013, il a accru son travail de propagande sous la direction d'un moine qui s'est proclamé le Ben Laden birman. Rien que ça. Et qui est-ce ? C'est un quadragénaire qui se nomme Viratu. Très charismatique, il dirige le plus grand monastère de Mandalay, la principale ville du nord du pays. Et il est réputé pour prononcer des prônes incendiaires. D'ailleurs, il a été emprisonné et condamné en 2003 à 25 ans de prison pour incitation à la haine, suite à des discours anti-musulmans qui avaient provoqué des émeutes. Et quand a-t-il été libéré ? En 2010, à la faveur d'une amnistie nationale. Mais depuis, il ne s'est guère calmé. Dans une récente interview, il a déclaré, par exemple, que les Rohingya devaient être exterminés. Pour lui, les musulmans se reproduisent beaucoup trop vite et volent, violent les femmes birmanes. Ça, c'est du racisme pur et dur. C'est certain. Il faut aussi reconnaître que les racines de ce racisme sont aussi économiques. En Birmanie, de nombreux musulmans sont commerçants. Ils sont donc accusés par ces bouddhistes extrémistes de s'enrichir afin d'acheter avec leur argent des femmes birmanes qu'ils obligeraient à se convertir. Par conséquent, alors, il faut boycotter leur boutique. Évidemment. Et on doit observer que la Sangha Mahanayaka, l'instance religieuse officielle créée par la junte pour contrer l'influence naturelle et forte des moines bouddhistes, a interdit officiellement en septembre dernier les mouvements islamophobes liés au mouvement 969. Mais elle n'interdit aucunement aux moines de promouvoir l'idéologie du mouvement, à commencer par les diatribes anti-musulmanes. Ouais, donc c'est parfaitement hypocrite. Oui, là je suis d'accord. Et le gouvernement, alors, lui aussi reste silencieux ? Après les événements du printemps dernier, les autorités ont publié un communiqué demandant aux Birmans d'éviter de tomber dans le piège de l'extrémisme religieux qui pourrait remettre en cause les réformes démocratiques et le développement du pays. C'est bien le moins. Hein. Mais ce n'est pas avec un tel communiqué lénifiant qu'on peut arrêter un tel fanatisme raciste. Il faudrait d'abord avoir la volonté de mettre fin à ces crimes. Et cette volonté n'existe pas. Et nombreux sont les observateurs qui s'interrogent sur l'étrange comportement des autorités qui restent pratiquement sans réaction face aux violences contre les Rohingyas. Les moines extrémistes ne sont jamais rappelés à l'ordre, jamais empêchés d'agir dans leurs opérations anti-Rohingyas. Et vous avez dit même que les forces de sécurité leur donnaient un coup de main. Hein. En effet, les rapports des ONG le démontrent. Police, armée et milices paramilitaires sont trop souvent impliquées dans les meurtres, les arrestations massives et les viols. Et en même temps, elles sont des obstacles à l'aide humanitaire. Un document du rapporteur spécial de l'ONU va même plus loin puisqu'il dénonce la présence au sein du gouvernement d'un groupe jusqu'au boutiste qui s'emploie à encourager la politique de discrimination à l'encontre des Rohingyas. Alors, mais quel objectif poursuivraient ces extrémistes-là ? L'une des hypothèses très crédibles est celle-ci. Le régime birman actuel serait le complice, sinon l'instigateur des violences, afin de créer une situation de chaos justifiant le retour à une dictature absolue. Ouais, comme au bon vieux temps. Mais d'autres affirment que seule une fraction des dirigeants regroupant les plus réactionnaires serait le véritable commanditaire de ces violences. Et toujours avec le souhait, alors, d'en finir avec le processus d'ouverture politique initié par le président Thein Sein. Il n'y aurait donc pas unanimité au sein du gouvernement. Et les plus extrémistes auraient mal supporté le remaniement ministériel de l'an dernier qu'ils ont jugé trop favorable à la garde rapprochée de Thein Sein et aux réformateurs. Ils sont donc tentés de se rallier aux moines les plus violents, qui sont malheureusement en phase avec une population travaillée depuis toujours par la propagande étatique. Anti-Rohingya. On peut aussi s'interroger sur un autre silence, hein, celui de la communauté internationale. À l'exception de quelques ONG. D'autant qu'au printemps dernier, malgré ces événements excessivement graves, l'Union européenne a décidé de lever les sanctions à l'égard de la Birmanie qui se démocratise progressivement. Il m'étonnerait que les Rohingyas partagent ce jugement. Hein. Et les ONG ne se sont pas privées de critiquer la décision européenne. Il faut aussi rappeler que le président Thein Sein s'est rendu à l'Élysée en juillet et que le sort des Rohingyas n'a pas été évoqué. Or, nombreux sont les observateurs et les spécialistes de la région qui estiment qu'on se trouve en Birmanie dans une situation pré-génocidaire, où l'on pourrait assister à des massacres semblables à ceux que le Rwanda a connus. Alors, que peut-il se passer maintenant ? Pour les Rohingyas, il n'existe que trois possibilités. D'abord l'exil, et c'est ce qu'on souhaite ouvertement au sommet du pouvoir birman. Ensuite, une assimilation forcée, mais ça ne ferait qu'alimenter les conflits interethniques. Alors la troisième hypothèse ? La poursuite de la politique d'apartheid avec le risque d'un génocide, tant la population bouddhiste a été persuadée qu'il fallait vraiment se débarrasser des Rohingyas. Je vous rappelle le titre de l'ouvrage d'Habib Bourahman, « Nous, les innommables, un tabou birman », un livre écrit avec la participation de Sophie Hansel, édité par Senkis. À samedi prochain sur franceinter.fr, vous pourrez, comme d'habitude, communiquer avec nous. Rebecca de Nantes a préparé ce programme qui a été réalisé, mis en ondes par Michel Billou et mis en musique par Monsieur Joub. Et tout de suite après le flash, c'est au de mon amour de Denis Chessou.